On va parler de football avec notre ami Tony Guzzo. C'est le repêchage de la Ligue nationale de football demain. Salut Tony, content qu'on ne s'est Salut pas Danny. parlé. Ben Comment oui, ça va, toi? ça va très bien. Toi aussi, ça va. Je suis très content de te voir là. Ça paraît que le football recommence. Ben Ben, ça pour une paraît, parce que c'est semaine. surtout le repêchage de la Le NFL. repêchage. C'est C'est incroyable. On un autre dirait que plus Noël. ça va, plus ça va, plus il y a il y a des émissions, il y a des papiers, il y a des mock drafts. Au Ah, Québec, c'est incroyable, hein. il commence à en avoir un peu trop, puis je Oh, trouve il y a des que podcasts, il y en a-tu, il y en a-tu, il y en il a-tu. En voulez-vous, en voilà de la NFL, du repêchage de la NFL. Ça me fait penser un peu, c'est encore moins pire que le hockey, mais ça me fait penser à quelque chose de repêchage du hockey, là. C'est comme moi? Ouais. Oui, ben, je suis d'accord, il y a beaucoup d'informations, mais qu'est-ce que je voulais dire autant en français qu'en anglais? Là, il y en a tellement Ah, regarde. qui veulent avoir les écoutes, les codes d'écoute, les clics. Puis je me demande jusqu'à quel point qu'on va avoir des bonnes informations parce que on va avoir toute une surprise demain soir, je pense. Ben, regarde, c'est ça. Donc, on va y aller maintenant avec ce que tu penses demain. Écoute, c'est un repêchage, évidemment, que c'est des carrières qui vont voler le show lors de ce repêchage-là. Ça va probablement être l'année où il va y avoir le plus de carrières. Là, je regarde un petit peu, je change ma chose sur l'ordinateur. Ça va être l'année où il va y avoir plus de probablement de carrières en première ronde. Tu sais. Oui, puis même une année où ce que ça parle même de quatre Ouais. carrières de suite dans les quatre Ouais, ça, premiers. j'ai jamais vu ça, hein. Trois, c'était la première, Ouais, trois, c'était la trois, première c'était. fois, mais quatre, Ouais, ouais. c'est jamais vu, hein. Excusez, je Puis regarde le champ, mais oui. la rumeur dit que, ben la rumeur, c'est que peut-être cinq quarts arrière dans le top 10. C'est ça que. Ça va être très impressionnant à voir. Puis, comme on disait, là, dépendamment avec toute l'information qu'on a, ben c'est la meilleure classe, la meilleure QV Ouais. de quart arrière depuis un bout. Mais ce n'est pas tout le monde qui met les quarts arrière au même niveau, par exemple. Puis, la grosse question, ça va être les 49ers au troisième rang, mais Je ne peux pas croire que aussi. les 49ers sont. Parce que là, je voyais Mac Jones. Ouais. J'écoutais des podcasts. Mac Jones, Mac Jones, Mac Jones. Oui, Mac Jones est un choix de première ronde, un prospect de première ronde. Par contre, je ne sais pas croire, mais que, tu sais, d'après moi, il va sortir en 10 et 15. Ben, Tu sais, c'est là qu'il est supposé, puis c'est là c'est. qu'on Ouais. va faire un peu, puis moi, ça fait une semaine, je suis pas mal là-dedans, là, puis ça va tout dépendre, parce que là, il faut comprendre aussi que là, les Jets choisissent au deuxième Deuxième rang. choix. Les 49ers ont échangé avec les Dolphins pour être au troisième rang, Ouais. mais il y a deux choses qu'on ne sait pas vraiment officiellement, c'est que tout le monde dit que les Jets vont choisir Zach Wilson, mais l'entourage de l'équipe n'a vraiment pas annoncé ça non plus. La seule affaire qu'on sait, c'est que le fait que les 49ers aient monté au troisième rang, c'est que le nouveau coach des Jets, Robert Saleh, vient de l'organisation des Ouais. Niners. Donc, moi, je pense que quand ils ont fait l'échange, les Niners savent qui les Jets vont choisir, mais ça se peut. Puis, ce n'est pas le meilleur quart arrière encore, parce qu'il y a bien du monde. Puis, comme tu dis, Mac Jones. Puis qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Mac Jones, là, v'là un mois, là, il n'était pas là, là, dans Non, il n'était les pas là top pendant tout. 3, top 4. Il est arrivé C'est ça. dans la discussion quand les 49ers de San Francisco. Là, vous allez m'excuser, mon chien, Non, on fait de la radio et de la télévision en direct. C'est Mon chien correct. qui jappe beaucoup, c'est ça, quand on n'est pas dans le Il est studio de télé, excité. malheureusement. Il est Il est excité excité, par le là. repêchage. Donc, c'est Ouais, ça, de la c'est télé ça. en direct. On On est. s'excuse. Mais oui, Mac Jones, il n'était pas là. Mac Jones, il était là. On a commencé à entendre parler de lui quand les 49ers ont conclu une transaction. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. C'est sûr que les Pro Day, les Pro Day et tout ça, ont fait en sorte que tu as vu Zach Wilson monter, puis c'est pas pour rien. Mais Danny, la question, c'est si vraiment les 49ers là, veulent Mac Et Jones, oui. si les 49ers veulent vraiment Mac Jones, ils auraient dû se fermer la gueule puis rester au 12e rang, puis ils l'auraient eu. Oui, effectivement. Tu Donc, sais, c'est. Puis là, qu'est-ce qui se dit, c'est que le coach Shanahan veut absolument avoir Mac Jones, mais l'équipe de recruteurs autour veulent Trey Lance. Donc, ça, ouais. c'est. Il y a Mais le ça, débat Trey Lance, c'est là-dessus. un énigme. Trey Lance, c'est un énigme parce que oui, au niveau potentiel brut, c'est vraiment, on dit que c'est un potentiel vraiment Ouais. à travailler. Par contre, ce que j'ai lu Il y a un gros également, plafond, là. Il y a ouais, du il travail. t'en reste que c'est un gars qui vient de la deuxième division. Oui. Donc, ça, il y a un certain point d'interrogation. Vous avez dit que Carson Wentz vient de la deuxième division. Et oui. Si ça n'avait pas été des blessures, ça aurait fait quand même un bon carrière, mais ça reste quand même un point d'interrogation. Mais je ne peux pas croire, parce que ça va tout partir de là, là avec les 49ers. Ben, si on regarde un peu la situation avec tout ce qui s'est passé, Jimmy Garoppolo est un gars qui se blesse « injury prone », comme on dit. Là, c'est un gars qui se blesse un peu souvent. Là. Le fait d'avoir monté au troisième rang, ça veut dire qu'ils ne veulent pas Jimmy Garoppolo. Donc, non. Si on fait l'hypothèse que Jimmy Garoppolo se blesse à troisième, quatrième semaine, tu as besoin d'un corps arrière qui doit commencer assez vite. Puis dans la gang, c'est Justin Fields, en réalité, le corps à aller chercher, et pas Mac Jones ni Trey Lance. Donc, puis là, la rumeur dit, il y a Peter King qui dit que Jimmy Garoppolo risque d'être échangé d'ici lundi, là, ou la semaine prochaine, après le repêchage, ou pendant le repêchage, parce que faut pas s'en cacher, si les Patriots, tes Patriots sont intéressés à Jimmy G, là, après qu'il ait fait le choix demain soir, là, la valeur de Garoppolo va diminuer. Là, non, effectivement, mais moi, je m'attends, il y avait des rumeurs ce matin que j'ai lu ça sur un site français, par contre, mais les Français sont quand même rendus très, très bien branchés, que les Pats et les Panthers de Caroline négociaient. Tu sais que les Pats, moi, je l'ai toujours dit, il faut que les Pats sortent de ce repêchage-là avec au moins un carrière, pas un meilleur carrière que Jarrett Stidham. Ce serait une déception. Là. Moi, puis là, les Panthers ont puis là, les Panthers ont échangé Bridgewater aujourd'hui pour un sixième round avec les Broncos. Donc, moi, je pense que les Patriots y attendent le choix parce que l'autre grosse question, c'est tout de suite après au quatrième rang si les Falcons vont choisir un corps arrière. Ou un Carl Pitts. Mais moi, je pense que les Patriots ont déjà fait un appel aux Panthers, puis peut-être même aux Broncos, vu que là, ils sont rendus avec Teddy Bridgewater, pour que les Pats montent au 8e, 9e rang pour aller chercher le 5e quart qui risque d'être disponible, ou peut-être le 4e, 5e. Ben, là, c'est ça. Donc, Trey Lance, c'est un énigme. Justin Fields, c'est un certain énigme aussi. C'est un gars qui a glissé beaucoup. Oui, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur de... Écoutez Stéphane Cadorette, il y en a beaucoup des podcasts, mais Stéphane, c'est pas mal, il s'accroche avec Jean Carrier, ils sont s'accroche. Puis il y avait Zach Wilson, on était drôlement impressionnés. Par contre, c'est Jean Carrier qui disait Zach Wilson, je suis pas convaincu, moi. Parce qu'il dit, mais par contre, BYU, il dit il a pas joué dans les grosses. Ils n'ont pas eu des gros adversaires. Il n'a pas eu des gros adversaires, puis c'était pas fou ce qu'il disait. Par contre, BYU, quand tu regardes l'histoire, l'historique des carrières, ils ont formé des bons carrières. Steve Young vient de BYU. Il y en a eu quelques-uns là, qui ont quand même eu une carrière assez intéressante. Donc, c'est ça l'énigme du repêchage. Donc, il y en a cinq carrières qui risquent de sortir. Après ça, tu as Carl Pitts qui est un allié rapproché. Vraiment, le nouveau format 2020. Lui, c'est tout un athlète également. Ah oui, c'est un phénomène. Là. Oui. Lui devrait sortir par Atlanta au quatrième. Normalement, là. Ben c'est ça. Si jamais, moi je le souhaite peut-être pour les Dolphins s'ils tombent au sixième. Là. Ouais. Mais c'est un phénomène. C'est un tight end d'aller chercher des grands bras. C'est un receveur au poste d'allié rapproché. Puis comme tu dis, c'est le genre de position des temps modernes, le genre de joueur générationnel, comme on dit. Tout le monde a hâte d'aller le choisir. Puis là, c'est là qu'on pense qu'Atlanta devrait le prendre. Mais là, encore une fois, on ne sait pas vraiment parce qu'il ne faut pas s'en cacher avec Atlanta. Il y a un nouveau coach, il y a un nouveau DG. Matt Ryan a encore des années. Il y a beaucoup d'argent pour Matt Ryan. Fait qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce qu'on prépare son futur aussi? Ça relève là, le futur des Falcons, mais c'est un gros dilemme aussi. Mais Carl Pitts, la classe de... Carl Pitts est le seul qui ressort de cette position-là. Après ça, on a une excellente QV de receveurs. Il y en a deux d'Alabama là, qui sont excellents. Il y en a un d'LSU également. Qui Jamar Chase, c'est Jamar Chase, qui est très, très bon. Deux d'Alabama, Devontae Smith, qui est le gagnant. C'est Devontae Smith qui a gagné du Heisman. Ouais. Donc, lui devrait sortir normalement, milieu, même avant, peut-être 10-12, quelque chose de même. Mais Pat, comment tu t'attends? J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Ben, il va falloir en bon Québécois que Bill Belichick se déniaise, là, parce que il y a tellement, je pense qu'on doit y donner un A+ pour les joueurs autonomes là, pendant l'entre-saison. Mais on sait que Belichick, au niveau du repêchage, c'est pas fort. Non. Mais comme j'ai mentionné tantôt, puis je le dis à bien du monde autour, c'est que les téléphones sont faits. Là. Ça va tout. Ils ont plusieurs choix repêchage, donc ils peuvent s'avancer. Donc. Ah oui, puis j'ai l'impression. Ils ont la marchandise pour s'avancer. Oui, parce que si Atlanta ne prend pas des quarts arrière, un quart arrière, donc il reste encore, genre, on va dire, on fait la déduction, là, Mac Jones, pas Mac Jones, mais Trey Lance, il resterait Trey Lance et... Il resterait Justin Fields. Justin Fields. Ouais. Donc, si moi, personnellement, je serais les Patriots, je m'en vais au plus haut point, je vais chercher Justin Fields. Ou... Ouais. Je suis patient, je suis prêt à laisser aller Justin Fields, puis peut-être au 15e rang, Mac Jones. Trey Lance, Mac Jones ou Trey Lance serait là. Ouais, effectivement. J'ai bien, bien hâte de voir. Benjamin Saint-Just, où tu le vois? Je sais que Wallet le voit, lui, en 3e rang. Oui, moi aussi, il y a des. Tout le monde est en admiration, puis au Senior Bowl, il s'est vraiment démarqué, là, mais tu sais, un 6 pieds 3, 200 livres. Ah non, il est très, très bon. Donc, il a marqué beaucoup de points. Donc, il devrait sortir dans la 3e ronde. Les équipes, toi, tu as parlé avec lui. Là, il y a quelques équipes qui ont accroché. Les Seahawks et Seattle, entre autres, ont montré beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais souvent, un repêcheur, tu sais jamais. Hein, tu peux avoir une équipe que tu ne doutais pas, puis qui arrive, puis qui le repêche, qui n'ont jamais parlé, puis ça arrive très, très souvent. Tu as également Bruno Labelle, qui est un autre gars que j'ai parlé la semaine passée, qui est des Bearcats de Cincinnati, qui était lié rapproché. Lui, je ne m'attends pas à ce qu'il soit repêché. Je m'attends plus à une invitation, un genre de contrat comme joueur autonome, un peu comme Anthony Auclair a eu. Parlant d'Anthony Auclair, comment tu vois ça à Houston, toi? Je suis un peu... je veux dire, peut-être qu'il n'y avait pas le choix. Là. Il avait il s'en va dans une équipe qui en arrache pas à peu près. Puis là, en plus, on ne sait pas ça va être qui le corps arrière là, de Sean Watson avec les problèmes de justice. C'est toujours un joueur qui va être sur la ligne. Toujours. Mais c'est un gars qui veut jouer, c'est ça que j'ai pu comprendre. Malheureusement, à Tampa Bay, il n'a pas pu. Il était comme le 3e. Mm. Mais c'est un gars qui veut absolument, je pense que c'est Stéphane Cadoret qui le disait très bien, qu'il veut tellement jouer Anthony Auclair que même si c'est Houston, il risque d'être l'allié rapproché partant, mais on ne sait pas qui va y lancer le ballon. Voilà, c'est ça. Fait que, mais ça va être tout un repêchage, là, parce qu'en passant, comme vous le savez, je veux dire, il y a bien des joueurs là-dedans qu'on a nommés qui n'ont même pas joué en 2020. J'entendais hier des équipes qui se plaignent des rapports médicaux. Les tests médicaux de certains joueurs, ils ne sont pas sûrs qu'ils sont si véridiques que ça. Ouais. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de combine, puis ils n'ont pas vu de... Imagine-toi, là, si la NFL a quand même eu une saison, là, la plupart, là, imagine-toi la Ligue nationale de hockey. Tu as eu des équipes qui n'ont même pas eu de hockey en Ontario cette année. Exact. La Ligue canadienne de football, c'est la même affaire. Ça va être le bordel. Donc, mais la différence, c'est ça qui est dommage avec le hockey. Tu sais, nous, qu'est-ce qui... Je dis nous parce que le football, la NFL, on trippe. Là. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les joueurs qui vont sortir dans les 3 premières rondes, tu as au moins le 3/4 qui vont déjà être partants. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas comme au hockey après le 10e. Puis en plus, ils jouent pas tout de suite. Là, tandis que là tu as une méchante gang qui vont jouer tout de suite. Ils vont prendre des risques. Je pense que c'est l'année la plus dure pour les recruteurs et les évaluateurs. Puis j'ai rien qu'à penser les Niners qui ils vont s'ostiner jusqu'à 8h45 demain soir, là, jeudi soir, pour dire qui qu'on prend. Parce que l'affaire, c'est que tout le monde capote. Ils ne reviendront pas si vraiment les Niners vont choisir. Ils ont dépensé 3 choix de première ronde. Ça prend Je ne me plains pas, parce que c'est mes Dolphins. Ouais. Logiquement, ça devrait être Justin Fields. Si on suit Justin Fields devrait même sortir pour les Jets, parce que les Jets ont vraiment besoin d'un corps qui doit jouer jour 1. Puis Justin Fields a une année de plus que tout le monde de fait. Oui, il a connu des obstacles, mais tous les joueurs ont des obstacles. Ouais, fait que je me demande, je sais que Wallet, il s'amuse dans notre mock draft, là, mais lui, il prend même Fields, je pense, au deuxième rang. Fait que, ouais. Mais c'est des risques, pas à peu près. Il y a un Trevor Lawrence, puis encore là, Trevor Lawrence, il a de l'air d'un gars pas mal relax. Là. Ça fait deux ans que. By the way, ça fait deux ans qu'on dit qu'il est prêt pour la NFL. Ça fait deux ans. Donc. Ben, depuis qu'il s'est sorti du secondaire, que c'était un phénomène, puis c'était un cas générationnel. Oui, effectivement. Donc, Tony, on s'en parle lundi. On invite les gens à t'écouter demain. Je passe une émission en direct sur Twitch. Twitch et Facebook Live. Facebook Live, sur ton site également. Twitch qui est une plateforme du direct. Donc, nous, on va s'en reparler dimanche ou lundi pour faire le bilan complet. 6h30, ça va être le mock draft à Wallet. Puis, on va parler des dernières, si on a des dernières nouvelles, juste avant le vrai draft. 20h sur TSN, EBC et RDS pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais comme moi. Fait que, un gros merci. On s'en parle bientôt. Hey, merci à toi, Danny. T'as mis ton Tony Guzzo du site internet, leblitznfl.com.